Exercice 8, page 148, Virlang. Isis et Suzy ont 6 sosies. Isis et Suzy ont 6 sosies. Isis et Suzy ont 6 sosies.